Fang Yuan, chargé par intérim du président sud-coréen, prétend la provocation d'un certain pays et les préparatifs face à la situation de révocation pour fomenter le climat d'hostilité contre notre République au sein de la société sud-coréenne. À peine proclamé la destitution de Park Geun-hye, il a ordonné à Han Min-kyu, ministre de la Défense, et à Yoon Byung-se, ministre des Affaires étrangères, d'être fin prêt à faire face immédiatement à l'éventuelle provocation du Nord, tout en recommandant le renforcement de coopération avec les États-Unis et les pays amis face à la provocation nucléaire et des missiles du Nord. Dans la soi-disant communication envers le peuple, il a calomnié notre pays en vertu de menaces nucléaires et des missiles, et lors de la réunion pour la sécurité, il a parlé d'une hypothèse de provocation du Nord, tout en ordonnant de renforcer l'état d'alerte de l'armée. Présenté au poste de commandement en temps de guerre de l'état-major des armées, il a fomenté l'hostilité contre notre pays, tout en disant que l'état anormal dû à la décision de la destitution de la présidente au tribunal constitutionnel exige de parfaire l'état de sécurité pour dissuader la provocation téméraire du Nord.